Le lundi 8 décembre 2014 est née Chloé Gauthier. Et ceci, Chloé, c'est pour toi. Dans cette émission spéciale, Chloé, qui est dédiée à ta naissance et à ta venue dans notre famille et dans le monde en général, je te présente aujourd'hui une fenêtre sur le 8 décembre 2014 et les jours et les mois qui ont précédé et l'année au complet dans lequel tu as été créé, que tu étais la mère de ta mère et que tu es né le 8 décembre 2014 à l'hôpital St. Mary's. Alors, première information qui est très importante que tu saches, ta fête, c'est la journée que tu vas recevoir des cadeaux, probablement ta première ou deuxième journée préférée de l'année, parce que en étant né le 8 décembre, tu vas avoir Noël qui est pas très longtemps en plus après ta fête. Fait que tu te retrouves d'après dans 4 semaines de plaisir à partir du 8 décembre jusqu'après Noël, mais on commence avec ce qui va être probablement ta journée préférée de l'année, le 8 décembre 2014. Ça va être dur d'être ta journée préférée parce que c'est la première année que t'es né. Mais à partir d'aujourd'hui, le 8 décembre, c'est ta journée. Tu es né le 8 décembre, une journée très importante à 3h54 AM du matin. Oui, oui, ta mère Roxane Grisé a accouché à 3h54 AM du matin. Et Michaël Gauthier était présent aussi. Tes deux parents, qui t'aiment beaucoup, je suis sûr et certain. Et j'espère, en tout cas, sont mieux. Crée-moi. Je suis même pas inquiète. Et en étant né à 3h54 du matin, c'est un... une journée grandiose qui a sûrement duré très longtemps, environ 12 heures de travail pour Roxane, pour pouvoir te mettre au monde et ensuite le bonheur, la joie. Donc, à l'hôpital St. Mary's à Montréal, tu es né. Et ensuite, tu étais dans la chambre 4304 à l'hôpital St. Mary's le lundi 8 décembre 2014. Et là, tu vas me dire, « Wow, Kevin, j'aimerais savoir quel poids que j'avais quand je suis né. » Mais Chloé, tu pesais exactement... officiellement 6 livres et 12 onces. Pour une longueur totale du bout de la tête jusqu'au bout des pieds de 49,5 cm. Et ça, Chloé, c'est pas très important, mais tu vas te poser la question souvent, crée-moi dans ta vie. Ah, combien de livres tu pesais quand t'es né? Mais c'était 6 livres et 12 onces. Alors que, là qu'on a parlé des informations qui sont très importantes pour toi et tout, aujourd'hui, ce qui est important pour moi de te faire connaître et de te faire voir et de te faire apprendre, peut-être ici, peut-être que tu écoutes cette émission ici, 15 ans, 20 ans, 30 ans après ta naissance, mais tu te demandais, ah, je me demande qu'est-ce qui était la chanson préférée du monde quand l'année que je suis né. Je me demande c'est quoi les films qui étaient populaires. Ah, ça peut bien être quoi les nouvelles la journée que je suis né. Ben, Chloé, c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu écoutes cette émission-là. Nous avons, sur cette émission, présentement, les chansons populaires. Du temps. Palmarès. Les palmarès des films, qui sont très importants aussi, parce que, dans le fond, le film et la musique est un peu la représentation d'une conscience de tout le monde, une conscience globale du public, une conscience de la société dans laquelle on vit. Puis c'est important... Ça nous imprègne tous nos souvenirs. Donc, les chansons que tu vas entendre aujourd'hui dans l'émission, les extraits, les chansons que je vais nommer, mais ça, c'est fait pour ressasser les souvenirs, pour faire remonter les souvenirs à la surface, autant pour toi que pour tes parents, que pour n'importe qui peut écouter ça ici. C'est une petite vision sur le 8 décembre 2014. Autant les films que ta mère a vus durant qu'elle était enceinte de toi, mais il y a des fortes chances que je vais nommer ceux-là aujourd'hui. Un, c'est qu'ils vont sûrement être tes films préférés qu'ils ont vus cette année. C'est un peu pour te démontrer dans quel état d'esprit t'es arrivé avec nous. Puis on va commencer tout de suite après cette chanson-là. Cette chanson-là, une chanson que moi, premièrement, j'ai eue dans la tête toute l'année. J'ai beaucoup de monde qui l'a eu dans la tête. Ça fait 20 semaines qu'elle est au palmarès. Palmarès Billboard, on parle anglophone, autant aux États-Unis qu'au Canada qu'au Québec. Le Billboard Magazine, très important dans l'histoire de la musique aux États-Unis, mais ça n'a pas rapport. Mais dans le Billboard, il y a top 20. Puis ça fait environ 20 semaines qu'il est numéro 1 ou numéro 2, puis il est encore numéro 2. Et cette chanson-là, ta mère a entendu sûrement plus qu'elle voulait durant qu'elle était enceinte. Tout le monde l'a entendu, elle a joué tout le temps, on l'a toujours eu dans la tête. Toute la gang, moi en partie, peut-être 6 mois que j'ai dans la tête pour être bien honnête avec toi, Chloé, là. Mais cette chanson-là est très importante. Parce qu'elle dit des bonnes manières de penser, ce qui est le vrai beau dans la vie. C'est pas juste l'image que la société projette, mais être bien, c'est être bien que soi-même. Puis c'est ce qui est important. Puis c'est un peu le thème de cette chanson-là. Fait que je trouvais ça très... Je trouvais que ça, en bon français, que ça fitait très bien ensemble. Donc, sans plus attendre, Meghan Trainor, All About That Bass. Probablement la chanson de l'année 2014. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass, bass, bass. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size 2, but I can shake it like I'm supposed to do. 'Cause I got that boom boom that all the boys chase, and all the right junk in all the right places. I see the magazines working out Photoshop. We know that shit ain't real, come on now make it stop. If you got beauty, beauty, just raise them up, 'cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me don't worry about your size. She says boys like a little more booty to hold at night. And no, I won't be no stick figure silicone Barbie doll. So if that's what you're into, then go ahead and move along. Because you know I'm all about that bass. No trouble, I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Hey, I'm bringing booty back. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass. Because you know I'm all about that bass. Les origines du prénom Chloé remontent à la Grèce antique. Oui, oui, à la Grèce antique. Il y a des milliers et des milliers d'années. Dans la mythologie grecque, Chloé était la déesse des fleurs. Le mot grec Chloé signifie « jeune pousse verte ». Les Chloé ont l'esprit ouvert, vive et active. Elles aiment les voyages et les grands espaces. Elles sont spontanées et toujours motivé. Prénom Chloé est un prénom super populaire depuis 1995. En 1995, il y a au-dessus de 4000 jeunes demoiselles qui sont prénommées Chloé. Alors, ça commence, le premier, mais c'est un nom qui a commencé à être populaire à la début des années 70. Mais vraiment, c'est au milieu 90, c'est au début 2000, jusqu'à 7000, en Nord, en Amérique du Nord, 7000, en Amérique du Nord, au monde finalement. Plus que 7000 enfants qui sont nommés Chloé en 2006. Et ensuite, ça décline, mais en 2014, la plus importante. Chloé Gauthier est née, encore une fois, je le rappelle, le 8 décembre 2014. C'est en gros la définition du nom Chloé. Mais avec le prénom Chloé vient quelques traits de caractère. Ça va être important, ça va être drôle de voir. C'est aujourd'hui, enregistrant ça, quelques semaines après ta naissance, Chloé. On va voir ces traits de caractère qu'on va pouvoir voir chez toi éventuellement. Habituellement, les Chloé sont curieuses, casse-cou, gourmandes, têtues, capricieuses, fières, rêveuses, jalouses, émotives, sages, boudeuses, calmes, patientes, gentilles, dormeuses, sensibles, courageuses, charmeuses, timides, câlines. Ça, c'est plusieurs des traits de caractère que le monde ont décelé chez les demoiselles prénommées Chloé. Donc, ça va vraiment être intéressant de voir si c'est des traits de caractère qu'on retrouve chez toi, Chloé. Et si tu écoutes ça 20 ans après et que tu te reconnais, ah ben, on l'avait prédit ici, présent. Quelques actrices, une actrice, Chloé Sevigny, qui est probablement une des Chloé les plus connues présentement quand on enregistre ce petite capsule dans le temps pour le 8 décembre 2014. C'est une des prénoms de Chloé, mais ce qui est important, le 8 décembre 2014, c'est une date qu'il y a beaucoup de personnes connues qui sont nées. Ben beaucoup. Quelques-unes des personnes qui, peut-être, ces noms-là te disent rien quand tu écoutes cette émission-là, mais présentement, il y a une rapper, OK. Nicki Minaj est née le 8 décembre, mais ça, c'est pas important. Jim Morrison, un chanteur très important du groupe The Doors, qui a malheureusement décédé en 1971, mais il est né le 8 décembre 1943. Certains athlètes sont nés le 8 décembre. Raheem Sterling, un joueur de soccer pour Liverpool, est né le 8 décembre. Un corps arrière des San Diego Chargers est né le 8 décembre. Philip Rivers, un ancien du Rat Pack, qui était le groupe formé de Frank Sinatra, Dean Martin et Sammy Davis Jr., qui est né un 8 décembre en 1925. Mary Queen of Scots, Marie Reine des Écossais, est née un 8 décembre en 1542. Je sais, je m'en rappelle comme si c'était hier. Une actrice, Kim Basinger, Terry Hatcher, sont nés un 8 décembre aussi. Il y a plusieurs autres actrices, un acteur très important dans la révolution noire des acteurs des années 30, Flip Wilson, est né un 8 décembre aussi. Drew Doughty, un joueur pour de hockey qui joue pour les Kings de Los Angeles, est né un 8 décembre aussi. Ensuite, Sinead O'Connor, une chanteuse qui est née un 8 décembre. David Carradine, un acteur très important dans les années 60-70 dans les film de arts martiaux, David Carradine, qui a fait la série Kung Fu aussi, un des disciples de Bruce Lee à la suite, est décédé malheureusement en 2009, mais est né un 8 décembre en 1936. Badr Hari, qui était un boxeur dans les années 90, est né un 8 décembre. Plusieurs chanteurs sont nés un 8 décembre. Marty Friedman, un fameux guitariste, est né un 8 décembre aussi, donc c'est pas la seule est née un 8 décembre, Chloé. Mais c'est toujours drôle de savoir qui est né la même journée que nous. Et le 8 décembre est une journée quand même très importante, surtout pour toi. Quelques nouvelles d'actualité le 25 décembre. Présentement, la journée de ta naissance, le 8 décembre 2014. Ça faisait 25 ans que l'Internet québécois existe. Oui, l'Internet, c'est quelque chose qui va probablement être omniprésent durant toute ta vie, malheureusement. Mais l'Internet québécois a été créé, ou plus, a commencé à exister et à éclore proche du 8 décembre 89. Mettons le plus proche du 4, mais c'est la fête, ils l'ont fêté le 8 décembre, le 25. Donc, ça s'est passé la journée de ta fête aussi, Chloé, l'Internet 25 ans. Internet québécois. Quelques films. Donc, tu es né un lundi. Les films, absolument, c'est la fin de semaine que le monde va voir ça. Je sais pas savoir changer d'ici que tu écoutes l'émission. Mais quelques films qui sont très, pas nécessairement importants, mais très populaires présentement. Le premier qui s'appelle Hunger Games, La Révolte, partie 1. Le film qui fait des ravages présentement, numéro 1 au box-office, ce fin de semaine de ta naissance. C'est la troisième partie d'un film qui a deux autres parties avant, tu vas me dire, si c'est la troisième partie, je suis d'accord. Mais les deux premières parties sont basées sur des livres de Susan Collins. C'est des livres que j'espère que si tu écoutes ça, que tu as lu. Des livres très ça ouvre l'esprit, c'est des livres qui sont très intéressants à lire, qui ont été écrits pour des adolescents. C'est vraiment... Mais pas juste pour les adolescents, parce que j'ai aimé les livres, j'ai lu moi-même. Donc c'est le film numéro 1. Le film numéro 2, Les Pingouins de Madagascar. Un film d'animation, des pingouins. Une suite, ou plus un dérivé du film Madagascar, qui était les animaux d'un zoo qui sauvent et qui réussissent à retrouver leur chemin jusqu'à la maison. Mais Les Pingouins de Madagascar, c'est un dérivé de ce film-là. Fini deuxième au box-office en Amérique du Nord et au Québec, la fin de semaine de ta naissance. En numéro 3, un film que si tu peux, ou si tu n'as pas encore vu ce film-là durant ce que tu écoutes, cette émission Interstellaire de Christopher Nolan. Christopher Nolan, c'est un directeur, un réalisateur de films. C'est lui qui a fait les trois Batman, la dernière trilogie des Batman. En tout cas, dernière trilogie Batman à date du 8 décembre 2014, qui comportait les films Batman Begins, The Dark Knight and The Dark Knight Rises. Très bon film. Et lui a créé un film de science-fiction interstellaire que l'être humain voyage dans l'espace plus loin que jamais et qui réussit à retrouver d'autres étoiles. Un film très inspirant et vraiment très beau à voir. Donc, je te conseille fortement, Chloé, d'aller voir Interstellaire tout de suite. Tu peux continuer à écouter l'émission, je te conseille. Mais après l'émission, si tu n'as rien à faire, va écouter Interstellaire. Numéro 4, un film que je trouve ça bizarre, qui sort en 2014, la comédie La Cloche et l'Idiot 2. Le premier film, là, il est sorti au début des années 90. Je l'ai vu quand j'étais petit avec mes amis au cinéma. Et 20 quelques années plus tard, il sort le 20, à peu près environ 20 ans plus tard, il sort le deuxième, un film des frères Farrelly, un film niaiseux, l'humour pas très poussé, mais quand même très drôle, hein. Un genre de film que quand tu rentres dans la salle de cinéma, tu prends ton cerveau, tu le laisses à l'entrée et tu vas le voir et tu vas te bidonner. C'est quand même un film pas pire. En numéro 5, en cinquième position, au box-office, la fin de semaine de ta naissance, Méchant Patron 2, avec Jason Bateman, Charlie Day, Jason Sudeikis. Le premier était très bon, c'est des amis qui travaillent pour un mauvais patron et ils se réussissent à s'attaquer à ces méchants patrons, ils kidnappent. En tout cas, c'est un film de comédie avec un peu d'action. C'est vraiment très drôle. Le long métrage d'animation, Les Nouveaux Héros. Un film que tu vas sûrement très, très aimer. Un film pas de Disney, mais Pixar. Un film d'animation. Vient en sixième position. Théorie de l'univers. Un film qui raconte l'histoire d'amour que le physicien Stephen Hawking a eu avec Jane Wilde. L'histoire en tant que telle de Stephen Hawking, qui est un des plus grands cerveaux que la Terre a connu. Donc, la théorie de l'univers. Ça serait important que tu vois ce film-là. Ou du moins, t'informer sur la vie de Stephen Hawking, qui est un des futuristes, des visionnaires qui comprend comment le monde fonctionne, comment le monde devrait fonctionner, ou plus comment le monde va fonctionner d'ici 5, 10, 15, 20 ans. Et quand tu écoutes ceci, probablement qu'il y a un homme qui est très malade, qui a la dystrophie musculaire et qui est paralysé, quadriplégique, et qui communique seulement avec son cerveau et ses yeux, mais malgré tous les obstacles, les entraves qu'il y a eu dans sa vie, a réussi à être considéré comme un des plus grands cerveaux, quasiment aussi important que Einstein dans l'histoire de l'humanité, et ça, c'est pas peu dit. Birdman, 7e, Les yeux jaunes des crocodiles, en 8e, et Les apparences terminent le classement de cette première fin de semaine de décembre. Alors, ça, c'était les films top 10 dans la région montréalaise, au Québec et en Amérique du Nord, pour la fin de semaine de ta naissance. Quelques films qui sont pas dans le top 10 présentement, mais qui ont été des gros succès l'année de ta naissance. Si on regarde en 2014, le gros succès de l'été, c'est Guardians of the Galaxy, Les Gardiens de la Galaxie, un film de science-fiction de Marvel Comics, basé sur les comics de Marvel, avec Batista, qui est un ancien lutteur, qui joue un des protagonistes, un des acteurs principaux qui joue un méchant. Bradley Cooper puis Vin Diesel qui jouent des rôles de voix seulement pour Groot et pour le petit raton laveur qu'on voit aussi dans le film. C'est un film de science-fiction, mec des comics. C'est dans l'espace, c'est très drôle. C'est un des meilleurs films de 2014. Je dois dire, un des films que moi j'ai aimé le plus en 2014. C'est un blockbuster qu'on appelle un film à grand budget, mais c'est surtout un film Marvel. Et présentement, en 2014, ça a beaucoup changé les films. C'était une chance de voir les films des années 80, 90, même début 2000. T'as plusieurs types de films différents. Il y a beaucoup de choix. Maintenant, en 2014, il y a moins de genre de types de films qui vont sortir. T'as des comédies romantiques, t'as des films de super-héros, blockbuster, à gros déploiement, beaucoup d'argent, puis c'est pas mal ça. Donc, tu vas voir, quand tu vas être rendu à 7-8 ans, tu vas soit aimer les princesses Disney, soit tomber dans Marvel, soit aimer les Charlie Brown, Peanuts, whatever. Mais tu vas voir, les super-héros sont partout. Tu peux pas te cacher. Ils sont partout. Bon, donc, ça finit les films top 10 qu'on pourrait dire durant la fin de semaine de ta naissance. Mais surtout, 2014, c'est probablement le film de Guardians of the Galaxy. Donc, c'est vraiment le film qu'on va se rappeler le plus. C'est Guardians of the Galaxy. Présentement, on va écouter une autre chanson qui était très populaire en 2014 au Québec. Un chanteur qui s'appelle Vincent Vallière. Un très bon chanteur au Québec, chanson francophone, qui s'appelle Lily. Mais qui est une belle chanson et je crois qu'elle a... Encore une fois, en utilisant mon beau français, Chloé, je crois qu'elle fitait bien dans cette émission. Je vois bien que tu vis des heures folles. T'es là perdu sans boussole. Je suis bien inquiet pour toi. Tu sais, Lily, quand la vie te trahit, qu'une histoire te brosse et que ton cœur se casse, c'est correct de pleurer. T'as toujours en banque quelques jours de chance et un peu d'espérance. C'est juste une passe, il faut pas perdre patience. Je te jure, fais-moi confiance, on va s'en sortir ensemble. C'est vrai, Lily, tout finit par s'user. Nos habits, nos maisons, nos amours, la gloire des premiers jours. C'est vrai aussi, Lily, qu'il y a des coups qu'on voit pas venir, qui nous font douter de l'avenir, qui nous donnent juste envie de fuir. Chance et un peu d'espérance. C'est juste une passe, il faut pas perdre patience. Je te jure, fais-moi confiance, on va s'en sortir ensemble. Bien d'entendre Vincent Vallière, Lily. La raison pourquoi je le fais jouer cette tune-là aussi, c'était parce que c'est la chanson numéro 5, la semaine de ta naissance, au top 5 francophone des chansons dans la région de Montréal. Parce que c'est toujours des chansons francophones et anglophones, parce que c'est une... On a toujours les deux cultures qui se rencontrent, donc il y a toujours deux palmarès musicales, et je vais faire le top 5 francophone et le top 5 anglophone la semaine de ta naissance, donc la semaine du 8 décembre 2014. Numéro 5, Lily Vincent Vallière. Numéro 4, là, dans ma tête, t'as Marc Dupré. Qui, c'est drôle qu'il soit rendu chanteur maintenant, parce que Marc Dupré, avant, c'était un imitateur. Donc, là, tu dois te... Je sais pas quel âge que t'es rendu, Chloé, quand t'écoutes ça, mais va au Canal D. Écoute des vieux, tu vois, écoute au Canal D l'après-midi ou le dimanche après-midi. Tu vas voir des vieilles faux... des vieilles émissions de télé avec des humoristes, des vieux shows d'humoristes. Puis tu vas voir Marc Dupré faire des imitations, imiter n'importe qui. Puis éventuellement, il s'est marié avec la femme... Ben, pas que la femme, il s'est marié avec la fille de Renan Jalil. Puis ils se l'ont transformé en chanteur. Puis maintenant, il fait des numéro 1. Mais là, c'est un numéro 4, là, dans ma tête, de Marc Dupré. Numéro 3, Revolver, Sally Folk, une chanson en français. Numéro 2, Trumpet, Jason Derulo, qui est un chanteur américain, qui fait des chansons en anglais, mais ça a l'air qu'il en a fait une en français. Et c'était numéro 2, la semaine de ta naissance. La chanson numéro 1, et ça depuis 11 semaines. L'amour est un monstre, Mr. Valère et Karim Ouellet. Ça, c'est le top 5 francophone la semaine de ta naissance. Top 5 anglophone. Numéro 5, Jealous de Nick Jonas. Numéro 4, FM, I'm Not the Only One by Sam Smith. Sam Smith, qui est un des artistes les plus populaires en 2014, que un autre, on a entendu précédemment, All About That Bass de Meghan Trainor, une des chansons que je vais mettre plus tard dans l'émission aussi, c'est une autre des chansons thème de 2014 qui s'appelle Stay With Me, qui est un autre des... J'appelle ça de la bande sonore de 2014, et Stay With Me, c'est une des chansons que jouer et rejouer et rejouer et rejouer et rejouer et rejouer partout sur toutes les postes de radio. Donc, malheureusement, je dois la mettre parce que c'est vraiment ça... Ça l'explique un peu le vibe que 2014 avait. Numéro 3. Une chanson qui est, tout dépendant des villes, ici à Montréal, au top 5 anglo, numéro 3, présentement aux États-Unis, au Billboard, présentement, c'est le numéro 1, la chanson Blank Space de Taylor Swift. Taylor Swift, qui est une artiste country, pop country, qui est populaire depuis qu'elle a 12 ans, qui fait des numéros 1 depuis 12 ans, pas depuis 12 ans, je pense qu'elle est rendue à 19 ans. Donc, ça fait déjà 5 ans, 5-6 ans qu'elle est sur le... Ben, 7 ans même, je suis pas très bon en mathématiques. C'est pas ma force, comme tu peux voir, Chloé. Mais Taylor Swift, une artiste que, si tu écoutes ça présentement, tu dois vraiment savoir. C'est au numéro 2, Wave de Mr. Probst. Et le numéro 1, Prayer in C, Little Wonder Robin Schultz. Des chansons, ça change comme tout le temps. Ça change tout le temps, mais je crois que ça donne un bon... C'est représentatif de qu'est-ce que... La musique avait l'air aujourd'hui, en 2014. J'ai parlé du Billboard, mais je pense que c'est important parce que, veux pas, au Québec, on est environ 7 millions d'habitants quand tu écoutes l'émission. Donc, environ au décembre 2014, on est environ 7 millions d'habitants au Québec. Ce sont 350 millions aux États-Unis. Donc, c'est sûr que c'est eux autres qui dictent un peu c'est quoi le genre de musique anglophone qu'on va entendre. Donc, voici le top 10 présentement au Billboard aux États-Unis. Numéro 10. Don't, de Ed Sheeran, un chanteur, compositeur, interprète britannique qui fait un fureur présentement partout avec les petites, avec les adolescentes, 12, 15, 16 ans, il trippe sur lui et sa musique est quand même bonne. Numéro 10, Ed Sheeran. Numéro 9, Love Me Harder, de Ariana Grande and The Weeknd. Numéro 8, on retrouve encore Jealous, de Nick Jonas. Numéro 7, au Billboard aux États-Unis, I'm Not the Only One pour la semaine du 8 décembre 2014. Numéro 6, Habits Stay High. Tove Lo, connais pas. Numéro 5, Shake It Off, une autre chanson très populaire en 2014, Taylor Swift again. Taylor Swift est partout, on l'entend partout, elle est sur toutes les postes de TV, toutes les postes de radio, elle est partout en 2014. Donc si tu connais pas Taylor Swift, Chloé, ben tu vas sûrement aimer ça. Check Taylor Swift. Numéro 4, Animals de Maroon 5. Une chanson Maroon 5, groupe très populaire, depuis une dizaine d'années environ, plusieurs CD, plusieurs numéros 1, et encore, ils font des chansons que le monde aime, que le monde achète. On les retrouve numéro 4 la semaine du 8 décembre 2014. Numéro 3, Take Me to Church de Hozier. Numéro 2, encore, ça fait au-dessus de 20 semaines qu'elle se promène entre le numéro 1 et le numéro 2, la première chanson qu'on a entendue aujourd'hui, Meghan Trainor, et le numéro 1, comme je disais plus tôt, Blank Space de Taylor Swift, qui est la chanson la plus populaire présentement aux États-Unis, donc probablement en Amérique du Nord. Ça, ça nous amène, Chloé, présentement aux éphémérides. Tu vas me dire, Kevin, c'est quoi un éphéméride? Ben, vraiment, c'est une bonne question, Chloé. Deuxièmement, un éphéméride, c'est qu'est-ce qui s'est passé une certaine journée? C'est dans l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé un 8 décembre? Pour un éphéméride du 8 décembre, c'est tout ce qui est arrivé d'important dans l'humanité un 8 décembre. Vraiment, le 8 décembre, c'est la fête de l'Immaculée Conception, parce que durant le Concile Vatican I, les années 1800 quelque chose, ils ont 1860, au début de 1860, ils ont décrété que le 8 décembre, c'est la journée qu'on va fêter l'Immaculée Conception. Ça, tu sais pas c'est quoi, c'est pas grave. C'est la naissance aussi, comme je disais plus tôt, de Marie, reine des Écossais, en 1542. Marie, qui était une figure très importante dans l'histoire et dans la révolution des Écossais dans les années 1500, fin 1600. Elle est devenue reine d'Écosse à l'âge de 6 jours. Mais c'est son père, le roi Jacques d'Écosse, décède alors que la petite princesse héritière n'a que 6 jours. Elle était pas vraiment reine, mais elle est devenue reine de France à 17 ans. Après son mariage avec François II, au 10 juillet 1559, au 5 décembre 1560, reine de France et d'Écosse, elle reste la seule souveraine à avoir pu prétendre à une telle dualité. Donc, même Élisabeth n'a jamais fait ça. Donc, Marie, reine des Écossais, née un 8 décembre. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre un 8 décembre? Plusieurs choses. C'est le début de la bataille de Brihuga. Une des batailles très importantes dans l'histoire, avec Stanhope, qui était le 8 décembre 1710, pendant la guerre de succession d'Espagne, l'arrière-garde britannique sous le commandement de James Stanhope, il fut attaqué par le duc de Vendôme sur la route de Barcelone. Stanhope dut se rendre et fut fait prisonnier. Seul un petit détachement britannique parvint à Barcelone. L'alliance avec le Habsbourg en Espagne, déjà affaiblie par les défaites, commence dès lors à s'émietter. Il demeure prisonnier en Espagne pendant plus d'un an et rentre en Angleterre en août 1712. Tout ça a commencé un 8 décembre. Une autre chose, la naissance d'Émile Renault. Émile Renault était un des pionniers du dessin animé du cinéma, l'inventeur du praxinoscope. Ce praxinoscope, c'est une lampe de chevet glorifiée avec un spinner, pour être en bon français, un carrousel qui tourne des images et avec la lumière, des images successives donnaient l'impression d'avoir un film. C'est un des ancêtres du cinéma. Il est né un 8 décembre. Il est mort malheureusement le 9 janvier 1918. Ça fait longtemps. L'Université Laval de Québec est fondée officiellement un 8 décembre par l'émission d'une charte signée par la reine Victoria. Le séminaire de Québec, fondé en 1852, le 8 décembre, l'Université Laval, afin de répondre aux instances de l'épiscopat qui... un mot qu'on ne dit pas souvent aujourd'hui, en 2014, qui désire une université française en Amérique du Nord. Elle compte au départ 4 facultés. La faculté de théologie, la faculté des arts, la faculté de médecine, puis la faculté de droit. Une charte royale signée à Londres le 8 décembre 1852 lui confère une existence légale. Première université de l'histoire, université francophone de l'histoire du Québec. D'après la charte, les charges supérieures du séminaire et de recteur de l'université sont inséparables. Supérieur depuis 1851, Louis-Jacques Cazot en devient le premier recteur. Une question de géopardie, on ne sait jamais. Qu'est-ce qui est arrivé un 8 décembre plutôt? La naissance de Georges Méliès. Georges Méliès, né Marie-Georges Jean Méliès le 8 décembre 1801, est un réalisateur de films français. Quand j'ai étudié le cinéma un peu, Chloé, on a appris Georges Méliès avec son usage de différents angles de caméra, son usage de... C'est lui qui... Les arrêts de caméra, les surimpressions, les fondus grossissements, des images... La manière de jouer avec la lumière dans l'image. C'était un des pionniers de comment tricher avec une caméra, de comment faire des trucages pour donner l'impression, le feeling, la texture qu'on veut à l'image. Georges Méliès était très important au début... du 20e siècle, début des années 1900, pour le cinéma en général. Et oui, j'ai appris ça à l'école, malheureusement, Chloé. Mais tu vas voir, tu vas apprendre des choses encore plus importantes. Oui, mais tu vas en apprendre beaucoup des moins aussi. En 1869, le premier magasin Eaton ouvre à Toronto. Ça, Eaton, là, c'est une chaîne de magasins qui fait déjà 12 ans que c'est fermé, qui ont toutes fait banqueroute, mais c'est une chaîne de magasins pan-canadienne, des gros magasins à rayons, plus gros que les Labé, que les Sears aujourd'hui, entre plus luxueux que le Walmart, mais quand même pas trop cher, que tu fais commander par catalogue au début, puis au ce qui a vraiment fait que les magasins Eaton étaient populaires, c'est qu'ils garantissaient la satisfaction si tu traitais ton argent. Une des premières compagnies canadiennes à faire ça, et c'était en 1869, le 8 décembre, que le premier a ouvert au coin des rues Queen et Yonge à Toronto. Et un jour, on va sûrement aller à Toronto ensemble. Chloé, tu vas voir, Toronto, c'est une des villes que je connais, j'ai habité là quelques années. Et au coin de Yonge et Queen, ça a beaucoup changé. Il n'y a plus aucune trace du vieux building, mais il y a quelques plaques commémoratives qui rappellent l'ouverture le 8 décembre 1869 du premier magasin Eaton au Canada. Il y a eu des batailles dans l'histoire qui sont arrivées durant la Première Guerre mondiale, le 8 décembre 1914. C'est la fameuse bataille des îles Falkland. Après que deux navires allemands aient été repérés par la marine britannique, celle-ci se lance à leur poursuite et engage la bataille quelques heures plus tard avec une escadre allemande dirigée par le vice-amiral Maximilian von Spee. Cette attaque au large des îles Falkland se traduit par une victoire du Royaume-Uni. Outre la revanche de la Royal Navy sur le vice-amiral, cela permet avant tout un contrôle des routes commerciales par les Britanniques, donc par le fait même, par les Alliés, donc par nous-mêmes aussi. Un des grands poèmes de l'histoire qui a été, encore une fois, ça a un rapport avec la Deuxième Guerre mondiale, Première Guerre mondiale en 1915, la guerre de 14-18. En 1915, le poème a même inspiré ce qui est aujourd'hui le jour du souvenir, avec le coquelicot qu'on porte sur le cœur les quelques semaines précédant le 11 novembre. Mais le poppy, ce qui est le coquelicot en anglais, vient de ce poème-ci. Un poème en anglais qui s'appelle In Flanders Field, dans le champ des Flandres. Et je te conseille fortement de lire ce poème. C'est un poème qui est très important dans l'histoire du Canada et de la Première Guerre mondiale en général. Quelques notes. En 1941, le 8 décembre, c'est la journée que Lyndon B. Johnson a déclaré la guerre. Pas Lyndon B. Johnson, excusez-moi. C'était loin d'être Lyndon B. Johnson qui était président 20 ans plus tard. C'est Franklin D. Roosevelt qui a déclaré l'attaque au Japon, déclaré la guerre après les incidents de Pearl Harbor. Ça s'est passé le 8 décembre 1941. La sortie de Jim Morrison, chanteur des Doors, que je mentionnais un peu précédent, t'expliquais un peu c'est qui Chloé Jason Morrison, ce chanteur qui était très charismatique, qui était très important dans une certaine révolution de la culture aux États-Unis et ça l'a influencé jusqu'au Québec aussi. Jim Morrison est un poète, un chanteur de rock américain, membre principal du groupe The Doors de 65 à 71, sexe symbole provoquant au comportement volontairement excessif, véritable idole de la musique pop, mais aussi intellectuel, engagé dans le mouvement de la Protest Song, qui était un mouvement pour utiliser la chanson et les mouvements populaires pour être capable de passer un message à la population et capable de leur dire « Réveillez-vous contre la guerre et tout », en particulier contre la guerre du Vietnam. Il se prétend chaman, donc de chamaniste. Il porte une réputation de poète maudit que sa mort prématurée à 27 ans, le 3 juillet 1911, à Paris, dans des circonstances mal lucidées, transforme en légende. Et jusque dans nos jours, il y a certaines légendes de plusieurs chanteurs et chanteuses qui sont décédés à 27 ans. Si on parle de Janis Joplin, si on parle de... Jusqu'à tout récemment, il y a quelques années même, il y a eu le Rehab, qui était le CD de Amy Winehouse. C'était le CD qu'elle a fait, elle est décédée qu'elle avait cette année aussi. Donc, Jim Morrison, né un 8 décembre. Autre chose qui s'est passée un 8 décembre, la naissance de l'actrice américaine Kim Basinger, l'adoption du drapeau européen en 55, la clôture des Jeux olympiques de Melbourne en 56. Oui, en 56, les Jeux olympiques étaient à Melbourne, en Australie. Quelques nouvelles de Montréal. Sam Echeverry, qui était un des corps arrière importants de l'histoire d'une équipe de football, les Alouettes de Montréal, a accepté de devenir coach en 1969 pour les Alouettes de Montréal. La création d'une enquête en centrale sur les coûts des Jeux Olympiques de Montréal, que si tu vois ces Jeux Olympiques, tu vas voir aujourd'hui ce qui est en décrépitude au métro P9 et Vio. Mais ça, ça a été construit dans les fins 60, début 70 pour les Jeux Olympiques et ça a coûté des milliards et des milliards de dollars plus cher que prévu et dès la fin des Jeux. Même avant le début des Jeux, des enquêtes ont commencé à être ouvertes. C'est arrivé un 8 décembre aussi. Une nouvelle triste en 1980. Le 8 décembre, le décès de John Lennon qui a été abattu par Mark David Chapman. John Lennon, un des membres fondateurs des Beatles avec Ringo Starr, George Harrison et Paul McCartney. John Lennon décédé, abattu par Mark David Chapman, un 8 décembre. Le 8 décembre 91, la fin de l'Union soviétique. Une journée très importante, la fin du communisme comme on l'a connu jusqu'à la fin des années, jusqu'au début 90. Ça s'est terminé un 8 décembre. La première du film Les Boys 2 est arrivée le 8 décembre 98. Si t'as pas vu ça, Chloé, c'est pas grave. Ça 90, on dirait une éternité passée. Mais c'est un film qui vient vraiment mal vieilli. Si tu veux écouter ça, vas-y, c'est quand même un des meilleurs succès au box-office du Québec. Et ça fait pas mal le tour des événements qui sont passés le 8 décembre. Il y a eu des élections le 8 décembre. Mais le plus important, Chloé, encore une fois, c'est que le 8 décembre, c'est la journée de ta fête. OK. On va prendre une petite pause musicale encore une fois. Une des chansons de l'année 2014. Un autre, Sam Smith, Stay With Me. Guess it's true, I'm not good at a one-night stand. But I still need love, cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? Cause you're all. Not a good look and some self-control. Deep down I know this never works, but you can lay with me so it doesn't hurt. Oh, won't you stay with me? Cause you're all. Je pensais finir l'émission aujourd'hui, Chloé, avec un aperçu de qu'est-ce que c'est la télévision. En tout cas, au moins deux postes, puis les nouvelles. C'est une chose qui est importante, on regarde toujours les nouvelles, et le 8 décembre 2014, c'est pas exception des choses, on a tout regardé les nouvelles. Puis au Québec, en 2014, il y a deux choix pour les nouvelles, soit TVA ou soit Radio-Canada. Et pour l'objectivité et pour avoir deux options différentes à écouter, mais j'ai enregistré les 7 premières minutes du bulletin de nouvelles de TVA et les 7 premières minutes du bulletin de nouvelles de Radio-Canada du 8 décembre 2014 pour te donner une petite aperçu de qu'est-ce que c'était les nouvelles la journée que tu es né. Et encore une fois, Chloé, je veux te souhaiter bonne chance dans tous les projets que tu veux faire. Si t'écoutes ça puis t'as passé 15, si t'es rendu aux études, bonne chance aux études. L'important, vas-y aux études, tu veux pas finir comme ton oncle puis juste sur ton secondaire. C'est important d'avoir plus. Soit ça ou de la motivation puis de l'ambition. C'est important aussi la générosité, de l'amitié, l'amour. Tout ça, c'est des choses qui sont quétaines, oui, mais qui sont importantes. Je veux surtout prendre une seconde pour féliciter. Surtout pour féliciter. Oui, je sais, j'ai besoin d'apprendre à parler. Je suis très d'accord avec toi, Chloé. Mais je voudrais féliciter tes parents, Roxane Grisé et Michael Gauthier, pour toi, pour l'amour qu'ils ont dans leur couple. Quelque chose qu'on ne voit pas toujours de nos jours, puis c'est très important à voir. En tout cas, quand j'enregistre l'émission tout près de ta fête du 8 décembre 2014, ils ont l'air d'être amoureux. Ils sont amoureux. Puis c'est très important. Et je te souhaite tout ce que tu désires dans ta vie, Chloé. Et si tu as besoin de quoi que ce soit, mon oncle Kevin n'y est pas très loin. Et pour finir cette émission-là, je voulais dire finir en beauté, mais les nouvelles, c'est pas toujours des bonnes nouvelles. Mais c'est ça qui est ça. La vie, c'est comme ça. On n'a pas le choix. On choisit pas les nouvelles. Et voici qu'est-ce que les nouvelles avaient l'air le 8 décembre 2014. Autant pour TVA que pour Radio-Canada. L'un des Canadiens soupçonnés d'activités terroristes à l'étranger est épinglé à son retour à Montréal. Le TVA Nouvelles commence maintenant. Cet homme de 36 ans revenait d'un séjour d'un an et demi en Tunisie. Il aurait tenu des propos qui font craindre des actes terroristes. Aller plus en détail serait de vous indiquer la preuve qui est au dossier. Et il y a cette vidéo d'un jeune Ontarien appelant au djihad qui soulève bien des questions. 5 ans plus tard, Lise Thibault s'avoue coupable de fraude et d'abus de confiance. The Queen can do wrong. Il n'y a personne qui soit au-dessus des lois. Très difficile. Autour de Guy Lafleur, de pleurer la mort du grand Jean Béliveau. C'était mon idole, puis c'est devenu mon ami. Aujourd'hui, je perds les deux. Bonne fin de journée tout le monde. Alors les craintes d'attentats terroristes refont surface au pays un mois et demi après les attaques mortelles à Ottawa et Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous pourriez nous raconter qu'un homme qui rentrait à Montréal après un séjour en Tunisie est derrière les barreaux ce soir pour activité terroriste. Dimanche, les policiers de la Sûreté du Québec ont cueilli cet homme à l'aéroport Montréal-Trudeau, Najib Belhaj Tioui, 36 ans. Selon des proches, le résident de Montréal aurait passé la dernière année et demie en Tunisie auprès de ses parents. Le corps policier le soupçonne d'être lié à des activités terroristes. L'enquête a été amorcée en mai 2011 à la suite d'un signalement sur Facebook, probablement en raison de propos suspects qu'il aurait tenus. La SQ refuse d'en dire davantage pour l'instant. Au palais de justice de Montréal, une horde de journalistes pour couvrir cette affaire. Alors qu'on a encore frais en mémoire les événements de Saint-Jean-sur-Richelieu et d'Ottawa. L'homme de 36 ans a brièvement comparu. Il reviendra mardi pour son enquête sur sa remise en liberté. Nous avons rencontré sur place l'une de ses ex-conjointes, parce qu'il faut comprendre que cet homme a 2 enfants. Son ex-conjointe n'a pas voulu paraître devant la caméra, mais elle s'est dit très surprise par son arrestation. Elle ajoute que cet homme n'est pas méchant, c'est une bonne personne. Il ne ferait pas mal à une araignée. Il ne ferait peut-être pas mal à une mouche, mais la Sûreté du Québec et la Couronne semblent détenir une preuve suffisamment solide pour l'accuser d'avoir transmis des renseignements susceptibles de faire craindre que des activités terroristes sont ou seront menées et d'avoir commis des actes susceptibles de faire craindre que des activités terroristes sont ou seront menées. Bien, on a procédé par mandat d'arrestation. Son ex-conjointe nous a dit que Najib Belhaj Tioui a lui-même contacté la police dans le but de se livrer. Elle ajoute qu'il fréquentait les mosquées, il était musulman pratiquant, mais elle n'avait pas noté de radicalisation de sa part. Par ailleurs, Yves, l'appel maintenant aux djihadistes ontariens qui a lancé des attaques, qui veut qu'on lance des attaques contre le Canada, ça soulève énormément de questions. Absolument, Pierre. Vous avez peut-être vu au cours des dernières heures cette vidéo de ce jeune Ontarien, jeune étudiant ontarien, John McGuire, qui fait effectivement cet appel aux djihadistes. Eh bien, ça a suscité notamment beaucoup de réactions à Ottawa. Raymond Filion fait le point. Your people will be indiscriminately targeted. John McGuire est originaire de Kempville, en Ontario. Il dit avoir grandi en jouant au hockey. Dans la vidéo de l'État islamique, il somme les musulmans du Canada de passer à l'attaque. Follow the example of brother Ahmed Rouleau. Suivez l'exemple de Martin Couture-Rouleau, dit-il, cet homme qui a tué un militaire à Saint-Jean-sur-Richelieu au mois d'octobre. À l'Université d'Ottawa, où il a étudié, certains de ceux qui l'ont côtoyé se disent surpris. John McGuire était un jeune plutôt isolé, selon eux. On le voyait aux prières du vendredi, puis on disait bonjour, comment ça va, mais vraiment, on rentrait pas dans des discussions intimes. Il y avait pas vraiment personne qui était un proche ou un ami à John. L'homme de 23 ans était cependant connu des autorités depuis quelque temps. Son passeport a déjà été révoqué il y a de cela un certain moment. Le ministre fédéral de la Sécurité publique dit que la vidéo démontre la nécessité d'accorder plus de pouvoir aux autorités. De faire en sorte que l'on puisse plus facilement traquer les individus qui souhaitent voyager pour commettre des attentats terroristes. Mais l'opposition n'est pas convaincue que de nouvelles lois sont nécessaires. Il y a une loi qui est en place, c'est dans le code criminel, qui permet dans ces instances-là de faire des accusations contre ces personnes-là. Pourquoi est-ce que le gouvernement ne l'a jamais fait? La vidéo est par ailleurs condamnée par des groupes musulmans canadiens. Ils la qualifient de honteuse et disent que son contenu n'a rien à voir avec les enseignements de l'islam. Raymond Filion, TV à Nouvelle-Ottawa. Pour une deuxième journée de suite, des milliers de personnes qui ont défilé devant le cercueil de Jean Béliveau au Centre Bell, Michel Jean. Ça vient de se terminer, il est 18h02, on a fermé les portes. De nombreux admirateurs qui n'ont pas hésité à parcourir une longue route pour lui rendre hommage. Pierre, depuis hier, de 10h à 18h, un flot continu de gens ont défilé pour rendre un dernier hommage à Jean Béliveau et à sa famille. Des gens qui sont venus souvent de très loin pour saluer le capitaine une dernière fois. Jean Béliveau, entouré des trophées qu'il a gagnés, dont la Coupe Stanley, accueille une dernière fois ses partisans. Accompagné, comme d'habitude, de sa famille, sa femme Élise, sa fille et ses petites filles. Un dernier moment d'émotion au Centre Bell pour tous ceux qui ont aimé le grand Jean. Comme Guy Lafleur, visiblement ébranlé de perdre un héros, un ami. J'ai eu la chance de le rencontrer à l'âge de 10 ans, puis ça m'a énormément marqué. Puis, essayer de tout au long de ma carrière d'être un peu... son image très difficile. Des souvenirs d'enfance incroyables. Mon enfance n'aurait pas été pareil sans ces beaux souvenirs-là. Ouais. En deux jours, plusieurs milliers de Québécois ont bravé un froid mordant pour saluer le capitaine. Pour moi, René Lévesque, Maurice Richard, Jean Béliveau, Gilles Vigneault, Félix Leclerc, ça va tout ensemble. Je pratique un sport, le soccer, mais ce joueur-là, il a... du cœur au jeu, et c'est ça qu'on a besoin ces jours-là, de nos jours, et j'espère que les jeunes, je vais raconter cette histoire-là à mes enfants un jour. Certains ont parcouru de longues distances. Cet homme est venu de Matane. Jean Béliveau est venu à Matane voir mes jeunes aujourd'hui qui ont 45 ans. Ouais. Puis je me suis dit, je vais aller y rendre la visite. En matinée, les joueurs du Canadien ont payé leur hommage à Jean Béliveau et à sa famille. Un moment d'émotion pour ceux qui ont la responsabilité de porter le flambeau. C'est la femme derrière le... Monsieur Béliveau qu'on connaît, donc c'est sûr que c'est une femme qui a une présence, qui est faite forte aussi, puis ça a été le fun de pouvoir échanger un petit peu avec elle. Tu vois que c'est une famille unie, Mme Béliveau et la famille prennent le temps d'accepter les condoléances de tout le monde. La réputation de Jean Béliveau dépasse largement la famille du Canadien. I've never seen anything like this. Henrik Sedin, le Suédois, capitaine des Canucks de Vancouver, dit qu'il n'a jamais vu autant d'attention pour un joueur de hockey. Les funérailles de Jean Béliveau auront lieu mercredi, mais avant ce dernier adieu, le grand Jean aura réuni une dernière fois ses fans dans un grand moment d'émotion. Michel Jean, TVA Nouvelles, Montréal. Surprise au procès de Lise Thibault. Après avoir clamé son innocence, l'ex-lieutenant de gouverneur plaide coupable. Est-ce qu'elle a ressenti la pression populaire? J'imagine que oui. Également au Téléjournal, des accusations liées au terrorisme déposées contre un Montréalais. Un suspect est arrêté à son retour au pays. Nous devons demeurer vigilants face à la menace terroriste. De son côté, Ottawa multiplie les mises en garde. Et un entretien avec Robert Lepage. Je pense qu'on a une mentalité au Québec qui est encore un petit peu insulaire. On est encore très fermé sur nous. L'homme de théâtre nous parle de ses projets et de son processus créatif. J'aime que les spectacles nous amènent dans les territoires où on n'est jamais allé. Mesdames et messieurs, bonsoir. Des voyages, des fêtes, des repas, son train de vie a défrayé la manchette pendant des années. Or, après avoir persisté à nier les faits, l'ancienne lieutenante-gouverneur du Québec, Lise Thibault, plaide aujourd'hui coupable aux accusations de fraude et d'abus de confiance déposées contre elle. Les vérificateurs généraux du Québec et du Canada avaient conclu que Lise Thibault, qui demeurait en fonction pendant 10 ans, avait réclamé 700 000 $ de dépenses injustifiées. Voyons d'abord les précisions de Yannick Bergeron. C'est une Lise Thibault au trait tiré et au regard sombre qui s'est présentée au palais de justice. Tout un contraste avec la femme déterminée qui se disait prête à tout pour défendre son honneur. Mais quand il prouve le contraire, vous allez voir la tigresse, par exemple. Cet été, elle a témoigné pendant 4 jours, continuant de plaider son innocence. Aujourd'hui, elle abdique. Elle a plaidé coupable d'une voix faible, mais assurée. À 76 ans, dans son état, est-ce qu'elle a ressenti la pression populaire? J'imagine que oui. Son avocat ne veut pas dévoiler ce qui l'a fait changer d'idée. Lise Thibault a quitté le palais de justice en évitant les médias. Ça avait un procès, quelquefois, un caractère académique aussi, et permet de saisir les subtilités de la loi. Le fait de, pour une personne de plaider coupable, c'est que la personne reconnaît les faits, reconnaît la preuve, donc reconnaît les faits qui sont à la base de l'accusation. C'est important de le comprendre. Lise Thibault a occupé son poste pendant plus de 10 ans. Elle est partie dans la disgrâce en juin 2007 après le dépôt d'un rapport accablant des vérificateurs généraux du Canada et du Québec. La poursuite a estimé ses dépenses frauduleuses à plus de 650 000 $. Les contribuables ont payé pour ses parties de golf, ses vacances en Floride et même des fêtes familiales. L'avocat de Lise Thibault propose un plan de remboursement de 310 000 $. La poursuite en réclame 430 000. Les avocats doivent aussi discuter de la détention qu'elle pourrait purger. La défense semble espérer une peine dans la collectivité. L'âge de l'accusé, son état de santé, quelle serait sa situation si elle est en détention, des choses semblables. L'ex-lieutenant-gouverneur doit revenir devant le tribunal le 1er mai pour la détermination de sa peine. En plaidant coupable à de la fraude, elle vient de nous rassurer sur le système de justice. Nul n'est au-dessus des lois. Lise Thibault plaide coupable après plus de 5 ans de procédure, puisque le juge n'aura pas à trancher. Ça évite au moins que le débat se prolonge jusqu'à la Cour d'appel, voire même jusqu'à la Cour suprême. Ici Yannick Bergeron, Radio-Canada, Québec. Et on va poursuivre avec notre chef de bureau, Sébastien. Lise Thibault a beau plaider coupable, ça soulève quand même cette affaire des questions d'imputabilité, parce qu'il y a des gens qui ont approuvé ses dépenses pendant toutes ces années. Oui. Des questions soulevées dès 2007 par le vérificateur général de l'époque, Renaud Lachance, qui avait publié un rapport, oui, dévastateur pour Lise Thibault, mais qui soulevait justement la question de l'imputabilité des gouvernements du Québec et d'Ottawa. Pourquoi? Parce que ce sont ces gouvernements qui approuvaient les dépenses de Lise Thibault, qui signait les chèques de Lise Thibault. Alors, Renaud Lachance cite l'exemple de dépenses d'hébergement, par exemple, la même dépense qui à la fois a été payée par Québec et par Ottawa. Pourquoi? Parce que les deux gouvernements ne se parlaient pas sur les dépenses de Lise Thibault. Il y avait de la confusion et du laxisme, ce sont les termes utilisés par Renaud Lachance à l'époque, qui ont fait en sorte que Mme Thibault a pu faire ses dépenses injustifiées. Alors, il y avait des contrôles qui étaient mis en place pour s'assurer que les dépenses étaient faites convenablement. Ces contrôles, de toute évidence, n'ont pas fonctionné. Et donc, il y a des gens imputables au sein des deux gouvernements qui auraient dû faire leur travail et qui ne l'ont peut-être pas fait comme ils auraient dû le faire. Bon, il y a une autre affaire très controversée, elle aussi, qui s'est retrouvée devant les tribunaux et qui a connu son dénouement. Elle impliquait André Boisclair et Jacques Duchesneau. Ça se passe en septembre l'année dernière, en septembre 2013. Jacques Duchesneau, à l'époque, est député de Saint-Jérôme pour la Coalition Avenir Québec, et il fait des liens entre les événements suivants. Une subvention accordée à une entreprise pour la rénovation de l'église Saint-James à Montréal, l'infiltration de cette entreprise par le crime organisé et la consommation passée de cocaïne d'André Boisclair. M. Boisclair, qui à l'époque est délégué général du Québec à New York, entreprend une poursuite pour diffamation en justice, donc de 200 000 $ contre Jacques Duchesneau, mais aussi la Coalition Avenir Québec et François Legault, qui a repris les propos de son député Duchesneau. Cette saga connaît son dénouement aujourd'hui. Il y a une entente à l'amiable dont les termes restent confidentiels. Donc, on ne sait pas s'il y a eu une compensation à M. Boisclair. Mais une chose est sûre, M. Boisclair obtient une des choses qu'il demandait, des excuses publiques de Jacques Duchesneau et de François Legault. Ça, ça a été fait dans un communiqué publié aujourd'hui par la Coalition Avenir Québec. Voilà. Merci beaucoup, Sébastien. Je vous en prie. Au revoir. Et restons à Québec, la ministre de la Culture, Hélène David, affirme que le gouvernement n'a pas encore pris de décision sur l'aide financière versée au projet de théâtre Le Diamant de Robert Lepage. Le metteur en scène souhaite en faire un lieu de diffusion culturelle de calibre international. Le gouvernement libéral avait annoncé en 2012 une subvention de 30 millions dans le projet. Or, la future salle de spectacle pourrait ne jamais voir le jour. Voici ce que Robert Lepage nous a confié à ce sujet. On était quand même très ouvert à l'étalement de cet argent-là. C'est quand même de l'argent qui nous a été non seulement promis, on a un contrat avec le gouvernement de 30 millions qui nous a été remis par le gouvernement Charest. Donc tout à coup, le gouvernement ne respecte pas le contrat, c'est ce que ça voudrait dire. Donc on est prêt à... Puis dans le contrat, ça dit qu'ils peuvent nous le donner sous toutes sortes de formes. Donc on aurait pu étaler ça sur plusieurs années. Donc, j'espère que t'as aimé, Chloé. J'espère que ça t'a donné une petite idée de qu'est-ce que le monde avait l'air avant que t'arrives et surtout la journée que tu es arrivé. Encore une fois, je te remercie d'avoir pris le temps d'écouter ça. Je te souhaite tout ce que tu veux dans ta vie et si t'as besoin de quoi que ce soit. Mon oncle Kevin n'est pas loin. Thank you.